petit quotidien. Pour le tout, les fonds marins, nous ne sommes que des terriens, inconscients des lendemains. Je ne suis pas innocent, je ne suis pas innocent, je ne suis pas innocent, non, non, non, non. Nos déchets empoisonnés finissent sur les mal côtés. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Dans les lumières allumées vont finir par tous nous tuer. L'unité à dompter ira jusqu'à notre santé. Progresse, nous fait tomber dans le stress. La nature est acculée, nous risquons de le payer. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Notre terre mère nourricière va devenir un cimetière. Nos rivières, nos fleuves, nos mers, leur état nous désespère. Nous ne sommes pas innocents, nous ne sommes pas innocents, nous ne sommes pas innocents, nous ne sommes pas innocents. Je ne suis pas innocent, tu n'es pas innocent, il n'est pas innocent, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non. Nous ne sommes pas innocents, vous n'êtes pas innocent.